La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, mardi, deuxième moment de notre série consacrée au fascinant écrivain Edgar Allan Poe. Presque dès le départ, la mort a dansé autour d'Edgar Poe. La mort de sa mère d'abord, alors qu'il était enfant. Un tout petit enfant, puis celle de son frère avec qui il signait des textes, puis encore celle de sa femme, très jeune elle aussi, avant que lui-même ne soit retrouvé inanimé un soir à Baltimore et ne décède quelques jours plus tard dans un nuage de délire pour des causes toujours mal expliquées. Car la vie de Poe a été tragique, nous l'avons vu hier, c'était avec sa biographe Isabelle Viéville-Desgeorges dans une émission à retrouver bien évidemment en podcast. Son œuvre, elle a été, comme on le sait, traduite en grande partie par Baudelaire, ce qui n'a pas empêché d'autres traducteurs de se lancer dans l'aventure. Le dernier en date, c'est Thierry Gilibeuf. Il s'est lancé dans la retraduction chez Phébus des œuvres complètes de l'écrivain avec son acolyte Christian Garcin. Et il sera ici demain pour nous en parler. Enfin jeudi, avec Jean-Pierre Nogrette, nous reviendrons sur divers aspects de l'œuvre de Poe, en nous arrêtant plus longuement sur le double assassinat de la rue Morgue, ainsi que sur son unique et inachevé roman, Les Aventures d'Arthur Gordon Pym. Et aujourd'hui ? Bien aujourd'hui, pour plonger un peu davantage dans la prose d'Edgar Poe, nous sommes avec vous, Henri Justin, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste des littératures britanniques et américaines, en particulier évidemment de l'œuvre d'Edgar Poe, sur qui vous avez publié plusieurs ouvrages, dont en 2009, l'essai Avec Poe jusqu'au bout de la prose, c'était aux éditions Gallimard, et puis en 2016, vous avez aussi donné aux éditions Classique Garnier, cette fois une traduction nouvelle, après celle de Baudelaire, des contes policiers et autres du même Edgar Poe. Et malgré toute cette connaissance accumulée sur lui, eh bien vous expliquez que Poe continue encore et toujours de vous étonner. Qu'est-ce qui vous étonne encore chez lui ? C'est son extrémisme intellectuel. Son extrémisme. Il a été au bout de la prose. Bon, c'est l'idée qu'il a pris la littérature à bras-le-corps, il a voulu être poète, il arrive derrière les romantiques anglais, et il a vu qu'il n'avait pas la carrure, et surtout il n'avait pas la puissance psychique. Et la volonté ? Pas la volonté, mais c'est vous l'avez dit, c'est un homme blessé. Et se laisser aller à la poésie suppose quand même une moitié laisser aller, moitié construction, moitié laisser aller. Le laisser aller, impossible pour Poe. Donc il ne connaît que la construction volontaire. Et il a cherché une formule qui ne soit pas la poésie, qui ne soit pas non plus le roman, parce que ça, ce qu'il appelle le roman linéaire, les choses qui suivent, puis voilà, au fil de la vie, on lit ça dans le métro, si j'ose dire. À l'époque, pas tellement, mais bon, aujourd'hui, oui. Et puis surtout, on peut le poser, le reprendre, vous voyez, c'est de gros livres, à l'époque, encore plus qu'aujourd'hui. Et donc, il l'explique, il y a dans la montagne de la littérature, en haut, il y a le pic, qui est la poésie, court, pour lui. En bas, il y a le roman qui s'étale, qui suit la vie telle qu'elle va. Et il se taille un plateau qui est quand même de la prose, mais courte. Il dit entre une demi-heure et deux heures. Et qui met à nu les structures poétiques, au moins du romantisme. Alors ça, c'est un petit peu le cœur de votre essai, ce que vous venez de nous dire, avec Poe jusqu'au bout de la prose. On va en parler dans cette émission, mais avant cela, je voudrais faire quelques petits détours. Voir un peu dans quelle mesure Poe a été reconnu assez tardivement, en tous les cas aux États-Unis. Et vous expliquez très bien comment il a fallu passer par l'Europe et singulièrement par la France pour qu'il y ait une reconnaissance américaine de Poe qui est arrivée dans les années 1970. Qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi a-t-il fallu ce détour, Henri Justin ? Il y a peut-être eu un hasard de l'histoire, mais Poe l'a voulu. C'est ça aussi qui m'impressionne toujours, il est conscient. Il l'a voulu. Il dit à son père, il a 20 ans, il écrit à son père, « Bon, d'accord, Richmond, c'est trop petit pour moi, j'aurai le monde. » Point. Et plus tard, il y a des notes qui sont pas, je crois, qui sont pas publiées, où il dit « littérature nationale, c'est très bien, à condition qu'on s'arrête pas à la nation. » Vous avez des problèmes avec « Oh, c'est américain, donc c'est merveilleux. » Il dit « Non, non, c'est de la littérature. C'est bon ou c'est pas bon. » Et la littérature, le jugement doit être mondial. Mmh. Et donc il se place directement, il n'a pas grand-chose à perdre, étant donné qu'il n'a rien, il se place directement au niveau mondial. Est-ce que ça change du coup sa manière d'envisager ses textes ? Est-ce qu'il pense ses textes à l'échelle du monde ? Parce que c'est vrai qu'on a l'impression qu'il n'est pas uniquement un écrivain américain, et d'ailleurs tout le monde le dit, Baudelaire le disait le premier. C'est difficile à se mettre dans sa peau, évidemment. Je crois que c'est surtout qu'il a développé son imagination d'une façon incroyable au niveau ce que j'appelle le centre infini. Enfin, il a travaillé l'espace imaginaire et il pouvait pas le trouver localement parce que l'Amérique était en train de se construire. Il y avait les querelles. Avec l'esclavage, avec des querelles avec la démocratie qui démarrait, etc. Il voulait pas s'embourber là-dedans. Et il a eu tendance à chercher son inspiration un peu mondialement, c'est-à-dire d'abord à Londres, avec toute la littérature anglaise qui existait, le gothic, hein, le roman noir anglais, les articles des contes qu'il trouvait, les contes de Blackwood, il y avait le roman historique, il y avait différentes formes qui existaient. Et puis, je pense, alors là, il le dit pas clairement, sa deuxième langue était le français, sûrement qu'il le parlait très mal, mais en fait, il en avait une certaine connaissance avec des fautes, si vous voulez. Et je pense qu'il faut savoir aussi qu'à l'époque, aujourd'hui, le centre du monde artistique, intellectuel, c'est plutôt New York. Mmh. À l'époque, c'était Paris. Si on voulait faire bien dans un roman, on le truffait d'expressions françaises. Et de personnages français. Il y a même pas mal de textes de Poe qui se passent à Paris, alors qu'il n'a jamais mis les pieds à Paris. Alors Poe, justement, place ses personnages en Italie, à Londres, à Paris, en particulier à Paris, pour, je dirais, concevoir la nouvelle policière. C'est-à-dire ce Auguste Dupin qui est censé être l'esprit des Lumières, l'esprit français par excellence. Donc, il y a un rapport dans son esprit entre, je sais pas, la logique peut-être cartésienne à la française et le récit policier. Il y a dans les Meurtres de la rue Morgue une critique du cartésianisme, complètement. C'est le thème de la tête tranchée du tronc. Je pense, donc je suis. Non, non, non. Je suis et peut-être que je pense. C'est-à-dire que. Bon, c'est difficile d'avoir à développer, mais il a tout un imaginaire de la tête coupée du tronc qui est une critique du cartésianisme. Donc une critique de l'esprit français tout en l'utilisant. Oui. Si on prend le dernier paragraphe des Meurtres de la rue Morgue, on ne parle plus du meurtre de la rue Morgue, on parle du préfet de police. Et Dupin dit, il est sympa, mais il est tout en tête. Il n'a pas de tronc. Il pense pas avec son corps. Il a pas de stamen en anglais. C'est-à-dire l'étamine, c'est la partie mâle de la fleur. Vous voyez, on va les choses. Bon, il a pas de phallus. Et donc c'était relativement facile, de l'avoir parce que lui, Dupin, il a la tête et le corps, et il arrive à articuler les deux. Et ça, bon, je pourrais continuer là-dessus. Alors, évidemment, ce rapport à la France, il passe donc par Baudelaire. Ça, on va en parler, évidemment, tout au long de cette série. Mais c'était aussi le maître proclamé de quelqu'un comme Mallarmé ou comme Valéry. Donc, c'est-à-dire qu'il est un guide quand même pour un certain nombre de littérateurs français. En quoi diriez-vous que Poe les a guidés, les a inspirés ? C'est fascinant, moi, ça. Ça continue à me laisser rêveur. qu'un petit écrivain américain, après tout, bon, qui écrivait dans les magazines, etc., va inspirer cette lignée. On pourrait ajouter la querelle Marie Bonaparte Lacan. Après, il y a des articles de Ricardou encore qui sont très riches, etc. Je crois que justement, il y avait dans cette prose, moi je crois entièrement à cette filiation, c'est-à-dire ni Baudelaire ni Mallarmé ni Valéry ne se sont trompés en ce qu'ils ont dit. Il y avait dans cette prose, il y avait tout ça qui était là, quoi. Et Baudelaire. Mais tout ça quoi, c'est-à-dire en quoi est-ce qu'il les inspire réellement? Baudelaire a vu la prose. Donc le fantastique, le policier, ça intéressait pas beaucoup, mais enfin l'étrange, l'extraordinaire, etc. Ce qu'il appelle extraordinaire, mais Poe n'a jamais écrit d'histoire extraordinaire, ça c'est Baudelaire. Oui, c'est une invention. Donc c'est la prose. C'est Baudelaire. Ouais. Mallarmé, les contes, les symbolistes, la prose, non, c'est mauvais la prose. Non, il est un grand admirateur de la poésie de Poe, et il a des formules extraordinaires. Pour un poème de Poe, il dit jamais l'imagination n'a été aussi loin, il le dit mieux que ça. Et puis, surtout, dire de Poe, c'est le cas littéraire absolu. C'est à la fois le cas, donc c'est vrai que Poe, il apparaît plutôt comme un cas. Mais c'est le cas absolu. Il y a quand même quelque chose de paradoxal là-dedans, une sorte d'exception, mais qui est l'exception directrice. Un peu comme en mathématiques, vous avez des singularités, elles suivent pas la règle. Mais la règle les suit. Et Poe, c'est ça, c'est un singulier, il est singulier. Et donc ça, c'est Mallarmé et la poésie de Poe, encore qu'il ne pense pas qu'il la comprenait tellement bien, il l'a mal traduite. Mais, et puis, Valéry, c'est la critique. C'est-à-dire que Valéry dit, voilà, j'avais 20 ans, j'ai lu Poe, je voulais être poète, j'avais écrit déjà des poèmes, j'ai lu Poe, je me suis arrêté. Et j'ai fait de la critique, j'ai essayé de regarder comment mon esprit fonctionnait. C'est-à-dire que si j'ai écrit encore des poèmes, c'est simplement pour voir comment l'esprit fonctionne quand il écrit des poèmes. Oui, parce que vous allez nous expliquer qu'en fait, tout le projet d'Edgar Poe, c'est de faire une littérature psychédélique, au sens où elle donne à voir la psyché des personnages. Elle est comme une machine, comme une modélisation finalement de la psychologie des personnages. On va y revenir. Juste avant cela, ce que vous disiez sur Baudelaire qui finalement aime un aspect de l'œuvre de Poe qui est l'aspect fantastique au fond. Et c'est vrai qu'il y a deux aspects, deux airs un petit peu de dans la littérature de Poe. D'un côté, il y aurait quelque chose qui relève en effet du policier, qui est aussi incarné par les textes de voyage, et qui va plaire à un certain type de lecteur, par exemple à Jules Verne, vous l'expliquez très bien. Et de l'autre côté, il y a des textes plus fantastiques, comme par exemple La chute de la maison Usher, qui là va plaire à un autre type de lectorat. Et ces deux lectorats, c'est comme s'ils ne se mélangeaient pas. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu si pour vous, au fond, c'est une œuvre qui est unie, ou s'il y a réellement deux œuvres au sein de la littérature d'Edgar Allan Poe, Henri Justin? C'est une œuvre unie, c'est pour ça que c'est ce qui m'a motivé dans le travail. Ce qui est justement étonnant, c'est qu'à partir du moment où il est relu, en français en l'occurrence, mais je crois que ça aurait été la même chose avec des lecteurs anglophones, sauf qu'ils sont des moins intéressés, aussitôt il se scinde en deux. Parce que l'art de Poe, mais sa personne, au fond, c'est pas lisible au XIXe siècle. L'art de Poe consiste justement à conjuguer les contraires. Toujours. Et si on a vu cette conjonction des contraires qui fait l'unité de l'œuvre, à ce moment-là, on voit qu'il y a une progression. Je pourrais vous essayer oui, rapidement. Bien sûr. Par exemple, le policier, c'est quand même une femme qui se fait trancher la tête, pour simplifier. Et avant, à une date plus. Enfin, avant ça, au moment, un peu avant son mariage, il écrivait les contes conjugaux qui tourne autour du meurtre d'une femme. Donc on a l'impression, d'un côté, on a un policier qui va tourner intellectuel, mais c'est quand même autour du meurtre de la femme. Et avant, on avait des contes qui étaient sur le meurtre de la femme. Mais est-ce qu'il n'était pas policier, ça? Je crois que si, il était aussi. C'est-à-dire que si on les lit bien, pour les lire bien, Il faut lire dans le texte, il faut chercher dans le texte. C'est plein de, c'est comme les dessins qu'on voit des fois. On dit, bon, trouver le petit bonhomme qui est caché dans le feuillage. Vous voyez, les dessins sont complètement les textes des contes conjugaux qui paraissent de l'horreur, etc., sont cryptés et sont à lire intellectuellement. Et pourtant, un écrivain comme Huysmans, par exemple, qui lui disait aimer justement le côté le plus noir, le plus fantastique. Et en fait, c'est vrai que quand on lit Huysmans, on retrouve cet amour-là. Semblait mépriser le côté plus clair, finalement, de la production de Poe. Donc, est-ce qu'on peut penser que Huysmans n'a pas compris ce que vous venez d'expliquer là sur fondamentalement l'unité de l'œuvre? Et Jules Verne, même chose, mais de l'autre côté. À mon avis, oui. Oui. C'est pour ça que c'est ce qui m'a poussé à travailler si longtemps sur Poe, c'est que il y a très peu de lecteurs, me semble-t-il, qui comprennent ça. La compagnie des auteurs sur France Culture, nous parlons d'Edgar Allan Poe avec vous, Henri Justin. C'est le moment d'aller un petit peu plus loin dans votre thèse en explicitant le titre de ce livre dont on parle depuis tout à l'heure avec vous, Avec Poe jusqu'au bout de la prose. Vous avez commencé de nous dire un petit peu pourquoi il fallait imaginer la prose de Poe un petit peu en réaction à la poésie, parce qu'au départ c'est quand même un poète Poe, jusqu'à disons 22-23 ans, c'est cela. Henri Justin, il a d'abord voulu être tout en haut de la montagne, comme vous l'expliquiez tout à l'heure, et puis il n'a pas pu réaliser ce désir-là. Non, si bien qu'il s'est retranché sur l'idée d'épuiser la prose. Oui. Alors ça veut dire quoi, justement, aller jusqu'au bout de la prose, épuiser la prose? Si on prend d'un point de vue, ça c'est une question à laquelle j'avais un peu prévu, donc j'ai un petit papier. Du point de vue du thème, dans tous ses premiers contes, les 10-12 premiers contes, il prend la littérature en vogue et il en fait des pastiches, il la creuse, il l'explore, déjà il l'exploite. Hein, et il arrive à un conte qui s'appelle Silence. En grec, silence, c'est siopé, et c'est un anagramme de is Poe. Mm-hmm. C'est-à-dire que Poe est silence. Ça, je crois que ça fait partie des affirmations données. Sur son thème, à lui, c'est le silence. Dans ce conte-là, vous avez l'écrivain à la mode sur son rocher, qui a écrit une autobiographie, qui est très fier de lui, et puis son paysage mental autour, mais il y a le diable qui est caché dans le paysage, et qui va peu à peu ramener le paysage à un lieu vide, et totalement silencieux. Mmh. Et à ce moment-là, l'auteur romancier classique à la mode s'enfuit à toutes jambes. Alors, le diable rit. Poe, enfin le narrateur, mais qui est Poe là, on le sait, il dit je ne fus pas capable de rire avec le démon. Mmh. Et puis sort à ce moment-là du caveau, ils étaient tous les trois à la porte d'une tombe, sort un lynx, et le lynx s'assied en face du démon et le regarde dans les yeux. Et je crois qu'on a toute la dramaturgie de Poe, toute l'esthétique de Poe. Le démon, la mort, et le lynx, l'intellection, et il se regarde les yeux dans les yeux. Mmh. Et Poe, il est quelque part par là. Il essaie de... Alors donc, c'est dans la prose. C'est vraiment une extrémité. La prose se trouve pulvérisée. Alors, il faudrait, du point de vue de la structure, une autre façon de le dire. Vous parliez de Ligeia. L'histoire de Ligeia, c'est pas simplement fantastique. Si c'était simplement fantastique, on aurait un narrateur du genre Maupassant qui nous raconterait qu'il avait envie de faire revivre sa femme morte, etc. Puis qu'il a fait des trucs. Voilà. Puis finalement, il l'a eu. Mais le langage serait resté tel quel. Mmh. J'ai relu du Maupassant hier, le langage bouge pas, c'est toujours du Maupassant. Mmh. Dans Ligeia, c'est un narrateur très fatigué, qui dit dès le départ, il a donné en titre Ligeia, il dit dès le départ, Ligeia, je ne peux pas me rappeler ni ceci ni cela. Je ne peux pas remember, je ne peux pas la remembrer, au fond, elle est en morceaux. Mmh. plus tard, il va essayer de la renombrer, il n'y arrive pas. Il dit, voilà, ben, il y a ça, mais bon. Finalement, il n'a que son nom. Il n'a que le nom. Il n'a que le mot. Il n'a pas le nom de Ligeia. Ce n'est plus une personne. Il y a juste le mot. Ligeia, qui dit, OK, il va travailler. Et finalement, il va, en se racontant sa propre histoire de son hallucination de Ligeia, qui va revenir à la fin, il se crée une auto-hallucination. Et le texte s'arrête brutalement sur l'hallucination, c'est-à-dire qu'en parlant, il s'est à nouveau auto-halluciné. Et le texte s'arrête là, si vous voulez. C'est-à-dire que, voilà, c'est vraiment le bout de la prose. C'est le bout de la prose aussi, dans le sens où ça ouvre quand même beaucoup de pistes pour les écrivains qui vont suivre, et notamment dans la façon dont le narrateur va un petit peu disparaître, ou plutôt dont l'auteur va un petit peu disparaître de la prose de Poe. On peut dire que c'est déjà ce qu'on appellera plus tard la mort de l'auteur. Il n'y a pas tellement de commentaires de l'auteur, on est quand même au 19e siècle. Il n'y a pas de commentaires, il n'y a pas tellement d'autobiographies. Donc il y a quelque chose d'extrêmement moderne. C'est là aussi où il va jusqu'au bout de la prose, où il invente la prose à venir aussi, Henri Justin. Ça c'est un peu, je suis pas sûr là, je suis pas sûr d'avoir bien compris la question là. C'est-à-dire, il y a le phénomène de la mort de l'auteur chez Poe. Vous pourriez dire ça? Oui, on pourrait dire ça. Il annonce la mort de l'auteur. Bon, c'est devenu un thème philosophique. Mais c'est une des erreurs qu'on continue à faire et que font les traducteurs aussi, c'est de lire le texte comme s'il était écrit par Poe. Alors qu'en fait, ce sont tous des monologues dramatiques. C'est comme si c'était extrait d'une pièce de théâtre. Ce sont tous des personnages, les narrateurs. Plus ou moins, hein, ça dépend des textes. Donc, chercher l'autobiographie, par exemple, ça ne sert à rien. Ils se moquent des autobiographies. Ils disaient, les autobiographes qui disent le sujet que je connais le mieux, c'est moi. Alors là, ça le fait rire. Comme si on se connaissait soi-même. Avant d'aller plus loin, Henri Justin, dans l'analyse de ce qui fait la littérature de Poe, je vous propose d'écouter un extrait d'un de ses contes les plus célèbres, Le Corbeau. Par un lugubre minuit où je méditais, là et plein d'ennui, sur main volume étrange d'une science perdue, alors que je dodelinais presque endormi, il y eut soudain un léger bruit comme de quelqu'un frappant discrètement, frappant à la porte de ma chambre. C'est quelque visiteur, murmurai-je, qui frappe à la porte de ma chambre. Ce n'est que cela, et rien de plus. Oh, je me souviens distinctement. C'était par un glacial décembre, et chaque tison, en mourant, sur le parquet, sculptait son ombre. Je souhaitais ardemment le matin, car j'avais demandé en vain à mes livres un sursis à mon chagrin. Mon chagrin d'avoir perdu Lénore, la jeune fille incomparable et radieuse que les anges nomment Lénore, qu'ici-bas, nul ne nomme plus. Et la triste, soyeuse et incertaine houle de chaque draperie de pourpre me faisait tressaillir, m'emplissait de terreurs inconnues, si bien que pour calmer mon cœur battant, je me levais en répétant « C'est quelque solitaire à la porte de ma chambre, un tardif solliciteur à la porte de ma chambre. C'est cela, et rien de plus. » Mon cœur s'affermit sur le champ, et n'y étant pas plus longtemps, « Monsieur, dis-je, ou madame, il faut me pardonner vraiment, mais je sommeillais, le fait est. Et vous avez si doucement frappé, vous avez si faiblement frappé à la porte de ma chambre, que je doutais de bien entendre. Ici, j'ouvris ma porte, toute grande. Les ténèbres. Et rien de plus. Scrutant profondément l'obscurité, je demeurai longtemps craintif, tout étonné, perplexe, et plein de rêves que nul n'avait fait encore. Mais nul signe, nul bruit ne me vint de la nuit. Le seul mot qui fut dit fut chuchoté. Lénore. C'est moi qui le chuchotais, et un écho le répéta. Lénore. Une lecture par Jacques Fayet. Que retenez-vous de cet extrait, Henri Justin ? D'abord la fin, l'écho. Il ouvre la porte, il appelle. Je dis, il a entendu du bruit. Donc, il appelle Lénore. Il entend Lénore, mais c'est l'écho. C'est vide. Et c'est la chambre close qui s'ouvre, mais faussement, puisque ça s'ouvre sur un écho. On retombe dans une autre chambre close. Et c'est la première chose. C'est le monde de Poe. Il y a une fenêtre qui va finir par s'ouvrir. Et alors, vous expliquez que la littérature de Poe, c'est une littérature à effet. Quel serait l'effet produit par... par exemple cet extrait qu'on vient d'entendre, ou plus globalement par cette célèbre nouvelle Le Corbeau? C'est un poème, et il est traduit comme une sorte de nouvelle par Baudelaire. C'est un poème qui a son schéma dramatique, ça aurait pu être un petit poème en prose si on veut, mais qui est très fort, très violemment rimé par Poe. Et le premier succès du poème a été, moi j'ai senti ça parce que j'en ai fait une traduction rimée et tout avec les assonances, les paronomases, etc. Et mais pourquoi Baudelaire ne l'a-t-il pas traduit de manière davantage rimée? Il a dit que les poèmes de Poe c'était un cristal pur et qu'on pouvait pas, c'était impossible de le faire. Mais la renommée du Corbeau dans les pays anglophones, c'est d'abord ses sonorités, c'est justement La Chambre est un écho. Et c'est tous ces échos sont répétés de façon presque caricaturale par moment dans le poème. Il y a un côté presque comique du Corbeau. Pas uniquement, mais je joue un peu à la limite, si vous voulez. Donc vous n'avez pas peur de dire que Baudelaire, alors non seulement il s'est trompé sur beaucoup de mots qu'il connaissait mal en anglais, mais que on peut faire mieux que Baudelaire en traduction. D'ailleurs, vous vous êtes pas gêné, hein, vous avez retraduit beaucoup de Edgar Poe. Je crois que moi je suis angliciste, c'est-à-dire que j'ai toujours travaillé Poe en anglais. J'ai lu un peu de Baudelaire tardivement. Je dois avouer que les fois où je me suis franchement assis dans un fauteuil en disant je lis une nouvelle par Baudelaire, une histoire extraordinaire par Baudelaire, c'est agréable à lire, c'est bien, hein, c'est bien. Mais c'est pas Poe. Hein. C'est pas Poe, c'est du pot de l'air, comme on a dit parfois. Oui, pot de l'air. Et alors, c'est quoi le pot de l'air par rapport à Poe pour nous pauvres lecteurs francophones qui n'avons pas accès? Je vais vous donner un exemple, je crois que c'est quand même le mieux. Prenons le Goldbug, le scarabée d'or. À la fin, celui qui a trouvé le trésor, le grand, dit... Enfin, il parle avec l'autre, il parle avec le narrateur, il dit, on se demande comment le capitaine, est-ce que le capitaine, comment il a tué le capitaine Kidd, comment il a tué ses associés, parce que, avec le trésor, ils ont trouvé deux cadavres. Il se demande comment il a tué les associés, et il termine, who shall tell? Qui le dira? Baudelaire traduit, qui nous le dira? C'est-à-dire que Baudelaire réintroduit la communication entre les gens. Le « je tue ». Chez Poe, c'est « qui le dira ». Et j'ai démontré dans un essai que le grand le pense pour lui tout seul. Et quand on remonte en arrière, on s'aperçoit qu'au moment où le grand a vu le trésor, il a eu la tentation de tuer ses deux acolytes. C'est-à-dire l'or est toujours lié à la mort. Mais ça, Baudelaire ne le voit pas. Mais peut-être qu'il voit d'autres choses que Poe lui-même n'avait pas vues, d'ailleurs. C'est vous qui dites-moi quelque chose, parce que moi, je ne connais pas bien Baudelaire. Je ne sais pas, je pense qu'il y a des images dans les traductions de Baudelaire qui, en effet, surajoutent de la poésie et surajoutent ce que Poe n'a pas forcément voulu y mettre, mais ça reste des images extrêmement belles. Donc c'est une interprétation, comme quand on joue un morceau de musique, on interprète le compositeur, et c'est un petit peu ce que Baudelaire a fait. Là, il faudrait des exemples. Je n'ai pas souvenir qu'il ajoute de belles images, parce que Poe est aussi poète, hein. Et sa prose peut être très poétique dans son genre, mais La poésie va toujours être minée par l'ironie, par les cryptages. Peut-être qu'on y viendra, le fait que ce sont des choses cryptées où il y a des mots qu'il faut aller, gratter en dessous, voir ce qu'il y a. Bon, je lance un concours sur Twitter. Chacun peut aller chercher les belles images de Baudelaire quand il traduit Poe sur le compte de la Compagnie des auteurs. C'est l'inventeur de la nouvelle, Edgar Allan Poe. Vous diriez ça, vous ? J'ai pas compris. Est-ce que c'est l'inventeur de la nouvelle ? C'est en tout cas l'inventeur d'une forme extrêmement exigeante de conte. Bon. Il a renouvelé la nouvelle, évidemment, elle existait avant. Il y avait, je sais pas, Boccace, ou, enfin, il y a énormément, les exemplum dans les sermons, il y avait beaucoup de formes courtes, de prose. Mm-hmm. Mais il lui a donné une exigence qui sans doute n'y était pas. Et par rapport à Hoffmann, parce que Hoffmann a été publié en France vers 1830, je crois, et on avait un fantastique un peu débridé, avec une prose qui se laissait un peu aller. Et avec les traductions qui sont venues ensuite, dans les années 1850, on a eu un nouveau fantastique, mais qui était d'une autre exigence. On va continuer à parler de tout ça avec vous, Henri Justin, juste le temps de faire un détour du côté des revues aujourd'hui, avec Jérôme Dupuis. La Compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Jérôme Dupuis, des pages livres du journal L'Express. Bonjour Jérôme. Bonjour. Vous nous parlez cette semaine, non pas de Poe, mais bien d'une vente aux enchères qui est un petit peu spéciale. Qu'a-t-elle de spécial ? Oui, pour faire un clin d'œil à Poe de l'air, on peut dire qu'il s'agit de la vente d'une bibliothèque extraordinaire, puisque c'est celle de l'ancien président François Mitterrand. Elle aura lieu lundi et mardi prochain par la maison de vente Piazza. C'est une partie de sa bibliothèque, puisque François Mitterrand avait un peu partagé ses livres entre le 19e siècle pour Anne Pinjot, c'est son siècle, et le 20e siècle pour ses deux fils, Gilbert et Jean-Christophe. Et là, c'est Gilbert Mitterrand qui a décidé de se défaire d'un certain nombre de livres. Donc c'est juste une partie qui recouvre donc une partie même seulement de la bibliothèque du 20e siècle de Mitterrand. On peut imaginer que c'est une moitié de la bibliothèque du XXe siècle. C'est une bibliothèque qui est riche de 1000 livres environ. 1000 livres vont être vendus. Toute sa vie, Mitterrand a fréquenté les librairies. Depuis les années 50, on le sait, il y allait, beaucoup avec Anne Pinjot, parfois avec son ami Pelat. Un libraire m'avait raconté que quand il était dans sa réserve, de temps en temps, il entendait un grand silence qui tombait sur sa librairie, et il savait, sans même lever le nez, que François Mitterrand était là. C'est assez amusant. Et par ailleurs, c'était un vrai bibliophile, presque un bibliophile un peu petit bourgeois, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il achetait un livre, il prenait un petit morceau de papier, il écrivait la date, le prix auquel il l'avait acheté, le prix auquel il l'avait fait relier. Ah oui. Il allait voir les cotes chez les libraires et il notait les cotes au fil des années. Voilà. Donc c'est une bibliothèque vraiment très particulière qui va être vendue. Alors, est-ce qu'il lisait justement des romans petits bourgeois ? Qu'est-ce qu'il lisait, François Mitterrand ? Non, pas trop. Ce qui amuse, mais maintenant on le sait, c'est que sa bibliothèque penche très largement à droite. Il y a beaucoup d'Aragon, c'est vrai. Mais il y a... Bon, Aragon, pas tellement à droite, quand même. Non, il y a du Aragon à gauche, mais il est presque le seul représentant. Et pour la droite, en revanche, beaucoup de volumes de Barrès, de Marcel Aimé, de Brasillac. Chardonne, évidemment. Chardonne. Charenté, quand même. Dont l'un lui est même dédicacé à mon compatriote François Mitterrand. J'ai même eu la surprise, parce que j'ai pu me promener un peu dans cette bibliothèque, de voir qu'il y avait un exemplaire des Décombres de Rebatté, donc ce pamphlet antisémite publié pendant la guerre. Pas n'importe quel exemplaire, l'exemplaire numéroté 3 du tirage de tête, c'est-à-dire vraiment un des exemplaires les plus recherchés. Et puis, ce qui est amusant aussi, c'est qu'il y a un certain nombre de livres que lui ont dédicacé des auteurs lorsqu'il était premier secrétaire du Parti Socialiste ou président de la République. Je vais par exemple vous donner un exemple d'une de ses dédicaces. C'est sa grande amie Marguerite Duras. Dans L'Amant de la Chine du Nord, elle écrit « Pour Daniel Mitterrand, pour François du même nom, de la part de la Marguerite de vos amis, Duras. François, je voudrais faire un entretien avec vous où on se dirait des blagues et autre chose entre les blagues. » toujours avec la même amitié totale. Pareil, vous le savez, votre Marguerite Duras. Mmh. Pour les gens qui pourraient être intéressés, ce volume est estimé à 10 000 euros. Oui. Alors, il y a aussi du François-Marie Bagnier, du Camus, du Garcia Marquez. Oui, oui, il y a aussi, alors il y a des... Il y a des dédicaces légèrement flagorneuses, on va dire, de certains... Ah, de qui alors? Bah, de François-Marie Bagnier. Il y a c'est bizarre. Des dédicaces un petit peu flagorneuses. Marquez est beaucoup plus sobre dans ses dédicaces. Camus, fidèle à son écriture un peu blanche et aussi très très laconique. Et puis, évidemment, ce qui est amusant, c'est qu'on on peut imaginer quelle était la part de l'argent que François Mitterrand... investissait dans ces volumes. Alors justement, est-ce que ça va pas faire ressurgir cette éternelle question des rapports de Mitterrand avec l'argent, Jérôme ? Bah, sans doute que si. Ce fameux argent qui corrompt, l'argent qui achète, l'argent qui écrase, comme il avait dit à Épinay en 71. Mais pas quand c'est pour acheter des livres. C'est vrai que c'est plutôt, c'est plutôt une bonne action. Je vais vous donner un exemple, puisqu'on sait tout grâce à ces fameuses petites fiches. En 1985, à la librairie Coulefort, il achète un exemplaire de luxe de Notre Jeunesse, le livre de Charles Péguy sur l'affaire Dreyfus. Il le paye 20 000 francs à l'époque. Donc c'est plus un objet qu'il achète qu'un livre, en réalité. Bon, ou un fétiche, j'en sais rien. Il le paye 20 000 francs de l'époque. J'ai regardé, c'est 5 ou 6 mois de salaire d'un ouvrier à l'époque. C'est quand même beaucoup. Et puis, je me suis amusé, puisqu'on a le prix d'achat de tous les livres, de prendre tous les livres qu'il avait achetés en 1985 et de voir pour combien il avait acheté de livres cette année-là. Il en avait acheté pour 100 000 francs de l'époque, ce qui représente pour lui un quart de sa rémunération de président, donc c'est quand même un poste très important, mais qui représente quasiment un an de salaire d'un professeur de collège. Donc ce sont quand même des sommes très importantes. On reconnaît bien le côté investigation de l'Express. Est-ce qu'il y a un exemplaire qui vous a particulièrement touché ? Oui, il y a un exemplaire qui est beaucoup moins beau que les autres, c'est-à-dire il n'est pas relié, il n'est pas très bien préservé, mais c'est justement ça qui en donne le prix. C'est un exemplaire de Terre des Hommes de Saint-Exupéry, que lui avait offert sa sœur avant-guerre. Et il est parti à la guerre avec ce volume dans la poche. Il l'avait lorsqu'il était prisonnier du Stalag, et il l'avait même dans sa poche lorsqu'il s'est évadé du Stalag. Donc l'exemplaire est complètement dépareillé, il manque la couverture, mais il est particulièrement émouvant et il prouve que même dans les circonstances les plus dramatiques, les livres ont été les compagnons de François Mitterrand. Merci beaucoup Jérôme Dupuis, tout cela et bien plus encore à retrouver dans les colonnes de l'Express. À très bientôt. C'est toujours la compagnie des auteurs que vous écoutez sur France Culture. Et pour repartir dans la seconde partie de cette émission, je vous propose d'écouter un extrait du conte Le Chat Noir, lu ici par Jean Deschamps. Un conte dans lequel le narrateur inflige les pires supplices à un chat, comme par exemple de lui faire sauter les yeux d'un coup de canif, ce chat qui pourtant lui donnait les marques d'affection les plus vives. Écoutez. Cependant, le chat guérit lentement. L'orbite de l'œil perdu présentait, il est vrai, un aspect effrayant. Mais il n'en parut plus souffrir désormais. Il allait et venait dans la maison, selon son habitude. Mais, comme je devais m'y attendre, il fuyait avec une extrême terreur à mon approche. Il me restait assez de mon ancien cœur pour me sentir d'abord affligé de cette évidente antipathie de la part d'une créature qui jadis m'avait tant aimé. Mais ce sentiment fit bientôt place à l'irritation, et alors apparut, comme pour ma chute finale irrévocable, l'esprit de perversité. De cet esprit, la philosophie ne tient aucun compte. Cependant, aussi sûr que mon âme existe, je crois que la perversité est une des primitives impulsions du cœur humain, une des indivisibles premières facultés ou sentiments qui donnent la direction au caractère de l'homme. Qui ne s'est pas surpris 100 fois comme étant une action sotte ou vile, par la seule raison qu'il savait devoir ne pas la commettre? N'avons-nous pas une perpétuelle inclination, malgré l'excellence de notre jugement, à violer ce qui est la loi, simplement parce que nous comprenons que c'est la loi? Cet esprit de perversité, dis-je, vint causer ma déroute finale. C'est ce désir ardent insondable de l'âme, de se torturer elle-même, de violenter sa propre nature, de faire le mal pour l'amour du mal seul, qui me poussait à continuer et finalement à consommer le supplice que j'avais infligé à la bête inoffensive. Un matin, de sang-froid, je glissai un noeud coulant autour de son cou et je le pendis à la branche d'un arbre. Je le pendis avec des larmes plein mes yeux. Avec le plus amer remords dans le cœur, je le pendis parce que je savais qu'il m'avait aimé et parce que je sentais qu'il ne m'avait donné aucun sujet de colère. Je le pendis parce que je savais qu'en faisant ainsi, je commettais un péché mortel. La compagnie des auteurs. Henri Justin, cette nouvelle de Pau dont on vient donc d'écouter ensemble un extrait, Le Chat Noir, c'est une nouvelle sur la perversité. Je crois que le mot perversité qui a justement été mal traduit par Baudelaire, qui décidément n'y connaissait rien, est très important pour Pau. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi c'est un concept central chez lui? Disons d'une façon générale, perversité, comme en latin, ça veut dire qu'il se retourne, c'est la contradiction. Ceci étant dit, donc il y a un contresens de Baudelaire général, dans d'autres contes. Mais Le Chat Noir est quand même un cas spécial où peut-être Pau s'exprime davantage. Après tout, c'est un homme marié, il a un chat, etc. Il est alcoolique comme le narrateur. Il est alcoolique comme le narrateur. C'est aussi un conte où il y a des émotions, au moins des références religieuses, ce qui est quand même exceptionnel, alors que Baudelaire, lui, ça lui plaît, dès que c'est le péché, c'est dans son vocabulaire. Ça arrive, je sais pas, mais ça dépend des textes, c'est pareil, là, il a choisi peut-être d'être plus proche de lui-même, ça c'est pas sûr, mais probablement d'une certaine façon. Et donc là, au fond, Baudelaire, je dirais, ne se trompe peut-être pas en traduisant perversité cette fois-là. Et c'est un conte glaçant, il faut reconnaître. Moi, je vous dis, en général, j'aime Pau pour sa brillance, son équilibrisme intellectuel, mais Le Chat Noir... Oui, mais vous avez dit tout à l'heure que Pau, c'était une machine à modéliser de la psychologie, de la psyché. Qu'est-ce qu'il veut dire avec ce personnage dont on vient de dire qu'il lui ressemble peut-être un petit peu, qui fait ses atrocités sur ce chat? Justement. Et pas que sur le chat d'ailleurs. Justement, dans l'introduction du Chat Noir, il dit qu'il va nous parler d'événements qui sont domestiques et très étranges, c'est-à-dire heimliche, unheimliche, enfin, il ne le dit pas en allemand, mais... peu importe l'anglais pour l'instant, c'est ça, hein, domestique et puis étrange, wild, je crois. Et il continue, personne va y croire, moi-même j'ai du mal à vous l'expliquer, j'ai du mal à vous le raconter, j'espère qu'un jour, et Marie Bonaparte dira, il pressent Freud, il appelle Freud. Et c'est ahurissant, c'est évident. J'espère qu'un jour, quelqu'un à l'esprit plus rassis, plus calme, etc. J'ai la citation, vous la voulez. Oui. Peut-être se trouvera-t-il quelque intelligence qui réduira mon fantasme à l'état de lieu commun, quelque intelligence plus calme, plus logique et beaucoup moins excitable que la mienne, qui ne trouvera dans les circonstances que je raconte avec terreur qu'une succession ordinaire de causes et d'effets naturels. C'est tout de même assez... incroyable. C'est assez incroyable, d'autant plus que quand on regarde dans Freud et qu'on relit l'essai qui a été traduit et malheureusement en français inquiétante étrangeté, c'est plutôt une inquiétante familiarité, Freud dit en préambule, je dois dire qu'il y a très longtemps que je ne l'ai pas éprouvé. Je suis très calme avec ça. Mais enfin voilà, je vais vous expliquer. Donc il a l'air franchement de répondre à Pau. On sait aussi qu'il avait les œuvres complètes de Pau dans sa bibliothèque, au moins à Londres, puisqu'on nous explique ça quand on visite le musée Freud à Londres. Donc on a quasiment l'impression que Freud renvoie l'ascenseur à Pau. Donc dans cette nouvelle, le narrateur qui donc pend le chat, le pend avec des yeux pleins de larmes, c'est ce qu'il nous explique, et c'est comme s'il y avait une incapacité chez ce narrateur à la fois à aimer ce chat, puisqu'il le pend, et en même temps à ne pas l'aimer, puisque il le pend, les yeux pleins de larmes. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Est-ce que c'est une métaphore de quelque chose? Non, je ne sais pas. C'est le conte où je dirais que je suis pris affectivement. Je crois que c'est peut-être le seul. Et là, je renonce. Je n'ai pas d'explication. Je signale que dans Todorov, son livre sur le fantastique, il dit il n'y a pas de fantastique dans le pot, sauf le chat noir. Je crois qu'il y a une exception du black cat, du chat noir. Alors, est-ce que c'est une nouvelle qui vous fait peur? Et est-ce que, de manière générale, Poe fait peur à la lecture, selon vous? Pour moi, jamais. J'ai toujours été étonné quand je dis que je travaille sur Poe. Oh là là, j'espère que vous ne lisez pas ça le soir. Moi, il m'exalte. Quelle nouvelle en particulier? Et comment vous exalte-t-il? J'ai envie encore de prendre un exemple. Les exemples les plus extraordinaires que j'ai vécu, je crois, c'est dans Les Mœurs de la rue Morgue. Madame d'Espanay, donc, on la retrouve dans une cour, la tête presque complètement tranchée. Et dans un effort pour la soulever, la tête se détache du corps. Mais en anglais, c'est in an attempt to raise her. To raise her. Écoutez ça bien. Raise her, to raise her, raise her. Rasoir aussi. C'est le rasoir. C'est le rasoir qui a commencé par lui trancher la tête. Et alors là, moi, je sais, quand j'ai vu ça, j'ai eu de l'électricité dans le cerveau ou le cervelet, je sais pas, j'ai été obligé de me lever, de faire quelque part dans la chambre et de revenir au travail, vous voyez? Compagnie des auteurs sur France Culture. Au fond, je vais me risquer à une hypothèse avec vous, Henri Justin. Si vous n'avez pas peur de Poe, c'est parce que vous sentez que Poe, c'est avant tout de l'intelligence. Et du coup, ça met à distance quand même la peur, l'intelligence. C'est ça? Tout à fait. Je vous ai bien lu, alors. C'est quoi l'intelligence de Poe? Où est-ce qu'elle se déploie le mieux? J'appelle ça la structuration de l'espace imaginaire. On peut prendre l'exemple du maelstrom, descendre dans le maelstrom. Vous savez qu'en mathématiques, le vortex se définit comme une spirale, et le point qui parcourt la spirale, sa vitesse s'accentue au fur et à mesure qu'il approche du centre. S'il arrivait au centre, la vitesse serait infinie. En physique, c'est impossible, il n'y a pas de vortex qui existe en physique. Par contre, en mathématiques, il suffit de le dire, on arrive à une formule mathématique possible. On a déjà parler, le point suit une règle, mais le point qui ne peut pas attendre au centre, qui quand même donne la règle, s'appelle une singularité en mathématiques. Et chez Poe, c'est exactement ce qu'il fait avec sa descente dans le maelstrom, à la pointe du maelstrom. Dans les textes, dans ses textes sources, essentiellement dans l'Encyclopédia Britannica, Le fond du tourbillon s'écrase sur des rochers. Donc là, on retombe sur une autre chose. Hein, on peut continuer. Jules Verne va reprendre l'image de Poe pour, je crois que c'est à la fin de 20 milieux sous les mers, pareil, il remet un fond de rochers. Mais chez Poe, non. Chez Poe, ce sont les murs liquides qui s'écrasent sur eux-mêmes en leur centre. C'est-à-dire, c'est complètement du structuralisme. Le tout est plus que la partie. Et c'est cette structuration de l'espace imaginaire qui me paraît fascinant, et que je crois que personne d'autre auteur a fait avec cette conscience liée au côté d'une capacité de créer une fiction, parce qu'après on le retrouve chez des auteurs, mais franchement philosophes, critiques. Donc ça, c'est la structuration de l'espace imaginaire, et puis il y a peut-être un lien ici à trouver avec sa pensée de l'espace, où se situent les étoiles. On sait que quand il était enfant, on lui a offert un télescope, oui. Et lui-même était fasciné, et même plus que fasciné, c'est-à-dire qu'il avait acquis une certaine intuition de ce qu'était réellement l'univers, puisqu'on dit, on l'a raconté hier, qu'il avait eu l'intuition du Big Bang. Donc, il pense l'espace littéraire, si l'on peut dire, enfin l'espace du conte, l'espace de l'imaginaire, comme il pense l'espace des étoiles, vous diriez ça ? Tout à fait, tout à fait. Il pense que c'est l'espace qui définit l'humain, et que l'humain, il a pas, bon, il y a le biologique, il y a tout ce qu'on connaît, tous nos soucis, tous nos, etc. Mais fondamentalement, on est dans un espace qu'on pourrait appeler de Pascal aussi, les extrêmes se touchent, ce que j'appelle le centre infini. Bon, on a cette capacité. Dans Eureka, Poe dit, dans toutes les langues, il y a le mot de Dieu. On a utilisé ce mot-là pour exprimer quelque chose qu'on peut pas atteindre, mais une pensée qu'on peut pas vraiment penser, mais qu'on se rend compte que c'est quelque part par là. C'est ça fait partie de, ça définit peut-être même l'humain, sans pouvoir être atteint, jamais atteint. Mais cette impossibilité à l'atteindre ne doit pas nous empêcher d'essayer. Et il définit sa propre aventure littéraire et finalement un peu scientifique, il dit, le but est impossible, mais si on est sérieux avec soi-même, on doit se leurrer au point de croire que c'est possible. Pourquoi c'est être sérieux avec soi-même que de se leurrer ? Comment ? Pourquoi est-ce que c'est être sérieux avec soi-même que de se leurrer ? Parce que c'est viser le seul vrai but, à savoir l'impossible. Est-ce que ça fait de lui un croyant ? Non, ça fait de lui un... Quelqu'un qui est dans... Non, il n'est pas croyant, parce que tout au moins au sens chrétien, parce qu'être croyant, ça supposerait avoir un dialogue avec Dieu. On retrouverait une structure autrui. Lévinas, ou... Ouais. Lui est dans la structure soi. Il est dans le « je suis » des romantiques, éventuellement du Dieu de la Bible, mais voilà. À la fin, il dit il n'y a qu'une solution pour chacun, c'est d'être Dieu soi-même. Oui. L'institution religion, ça, il la rejette totalement. L'Église, par exemple, l'Église, c'est quelque chose qu'il rejette totalement. Pour lui, Dieu est en lui-même, il est aussi dans l'univers, mais il ne peut pas s'incarner, comme surtout, ce serait le cas peut-être pour Baudelaire. Je crois surtout qu'il n'en parle pas. Il n'en parle pas. Alors, vous racontez un petit peu aussi dans votre livre comment finalement l'univers est une intrigue. L'univers est une intrigue pour Edgar Poe et comment c'est par l'univers de ses livres, donc c'est très très subtil hein, ce que vous expliquez là, qu'il fait avancer l'intrigue à l'intérieur de ses contes. C'est pas tellement les personnages qui font avancer l'intrigue, c'est l'univers même qui pose des questions. Et c'est ça qui crée du suspense, finalement. C'est l'étrangeté de l'univers de Poe. Je ne sais pas si je vous ai bien lu, j'espère que c'est un petit peu ce que vous dites quand même. Vous m'envoyez une image de quelque chose de très ambitieux. Je ne sais pas si j'ai tout à fait dit ça, mais c'est vrai que... C'est comme Poe, on ne peut pas vraiment le comprendre. C'est vrai qu'il a constamment travaillé à la structuration de cet espace imaginaire. Donc il part de, par exemple, ce conte « Silence ». Où le paysage est simplement une sorte de vide silencieux. Et on peut dire que c'est en fin de carrière, ce même vide silencieux qu'il a peuplé avec les étoiles, avec le cosmos newtonien, etc., qu'il a essayé de faire fonctionner selon les mêmes règles sur lesquelles il fallait fonctionner. Il a fait fonctionner toute sa fiction. Vous avez dit aussi, enfin vous l'avez écrit à la fin de votre livre, vous avez dit « Poe est épuisant ». Ça veut dire quoi ça, « Poe est épuisant » Ben, nos auditeurs vont comprendre. Ils sont épuisés, ils sont fatigués, ils n'en peuvent plus. C'est-à-dire c'est un monde sévère d'une certaine façon. Enfin, c'est à la fois exaltant, électrisant, mais on ne peut pas vivre complètement sous électricité, vous voyez. On a besoin de temps en temps de simplement prendre un pot avec un copain, etc. Et ça, Poe, il ne peut pas. Vous avez l'air d'avoir bien vécu, finalement, en explorant Poe dans tous les sens. Vous n'avez pas l'air trop fatigué, quand même. Ça vient. Mais j'imagine que j'avais un petit quelque chose qui fait que je me suis accroché à Poe. Ça n'a pas été, j'ai pas choisi Poe au départ pour lui-même. J'ai cherché, quand je suis arrivé dans l'enseignement supérieur, à comprendre ce qu'était la nature de la poésie. J'avais une question intellectuelle sur qu'est-ce que c'est que la poésie. Et puis j'ai été vers TS Eliot, j'ai tourné un petit peu. Et puis j'ai eu à enseigner les contes de Poe. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Il a tout fait, j'ai plus qu'à le montrer. Et donc voilà. Merci Henri Justin. Pour aller plus loin, je recommande donc votre ouvrage « Avec Poe jusqu'au bout de la prose » publié en 2009 chez Gallimard dans la bibliothèque des idées. Vous avez également traduit en 2016 pour Classique Garnier des contes policiers d'Edgar Poe. Cette émission n'aurait pu avoir lieu sans le concours de Didier Pinot, Vanessa Prévost, Laurence Malonda, Stéphanie Vélin, Laurent Travaglichanal et Alice Seyed. On se retrouve demain pour une troisième émission Poesque. Ce sera avec Thierry Gilibeuf qui lui aussi a retraduit Poe après Baudelaire avec Christian Garcin. Tout de suite, c'est le retour de la poésie. Jacques Bonafé. Bonjour, bonjour Mathieu. Ici, là, Voir ailleurs est un livre multiforme, inventif, hybride. Un livre qui montre la coexistence des écarts de langue et de forme, dit la quatrième de couverture. Très bien. C'est effectivement un livre étonnant, bourré d'expérience. Isabelle Sbrissa, son auteur, va mettre nos vieilles techniques de lecteur à l'épreuve. C'est dans le chapitre Urbi et Orbi, alphabet tautogrammatique, je vous en laisse deviner la règle. A. Là, j'ai déjà mis sur la piste. Hein. A. L'argent accélère notre affranchissement de tout acte d'altruisme. Assemblage mi-authentique, mi-abstrait, que nous acceptons comme une absolution, tant nous sommes assurés de son ascendant sur les actions altruistes. L'argent accorde son atout à toute âme. S'acheter tous azimuts, tout un attirail d'attrape-nigauds. Ainsi, aujourd'hui, son appétit s'agrandit sans arrière-pensée, avec l'angélisation des affaires, soit avec l'avènement d'une arène d'administrateurs, où l'argent n'est plus l'allégorie de l'authentique, mais l'aune absolue. Alors là, nous retrouvons les leçons, vous l'avez reconnu, de l'harmonie imitative de la langue française. D'Antoine-Pierre-Augustin de Pise. À l'instant qu'on l'appelle, arrivant plein d'audace, au haut de l'alphabet, là s'arroge sa place. Alerte, agile, actif, avide d'apparat, tantôt à tout hasard, il marche avec éclat, tantôt d'un accent grave acceptant des entraves, il a dans son pas lent l'allure des esclaves. À s'adonner au mal quand il est résolu, avide, atroce, affreux, arrogant absolu, il attroupe, il aveugle, il avilie, il arme, il assiège, il affame, il attaque, il alarme, il arrête, il accable, il assomme, il abat, mais il n'est pas toujours accusé d'attentat. Pisse est un délice des cours d'élocution. Avenant, attentif, accessible, agréable, adroit, affectueux, accommodant, affable, il préside à l'amour ainsi qu'à l'amitié. Si on retournait à Sbrissa, bébé, balbutié bientôt par le bambin débile, le B semble bondir sur sa bouche inhabile. B, le blé booste le bazardage de la bienveillance bilatérale, bricolage mi-bonbon, mi-béton, que nous boulotons comme un biberon, tant nous sommes baba devant son bingo au box-office des biens bilatéraux. Le blé baille son bonheur à tout bobo, bouffé les bonus de ses braderies par le bidouillage du bric-brac en bourse. Bientôt banal, il brille bel et bien par son besoin de boursoufler sans borne avec la bulle du business. Bref, avec le boom du bal des bénéfices, où le blé n'est plus le bibelot du bien, mais le biotope béni. C'est, le capital consent au capotage des connexions de communes charité. D, le dollar dicte le divorce du dialogue donnant-donnant. F, le fric favorise la fin de la fréquentation fraternelle. G, le Grisby guide à la guillotine notre gratuite générosité. Goupillage, mi-grossièreté, mi-gris-gris, que nous gobons comme une garantie générale. Et K, les copecs kalachnikov, toute kermesse kolkosienne, quitte mi-kérosène, mi-kawa, qui nous capute le kiki, tant nous kiffons leur kir knock-outant, nos kermesses, les copecs qui n'appellent pas de kum, poum, poum. Bon, on arrête. Merci Jacques Bonafé.